Alors, donc on va passer à la suite, qui est la boîte à questions. Je remets tout à fond, voilà. La boîte à questions, donc pour ceux qui connaissent pas le système, en fait, n'importe qui peut poser une question dans la boîte de façon anonyme. Et ensuite, tous ensemble, on y répond, donc sans inviter d'experts ou sans qu'il y ait quelqu'un de privilégié pour y répondre, pour intervenir dessus. Et on essaye de faire en sorte qu'avec les contributions de chacun et de chacune, on arrive à évoluer sur la question de base. Et du coup, qu'on arrive aussi à avoir les avis des uns et des autres et de répondre comme ça de façon constructive à la question. Alors, je ne sais pas où est. Ouais, c'est à la boîte. Donc, je vous invite du coup, pour tous ceux qui sont autour de la tente ou dans la tente, à venir vous asseoir, vous poser, à ne pas faire des petits groupes autour parce que sinon, on va pas pouvoir travailler ensemble. Donc, s'il vous plaît. Là, on fait la boîte à questions. Bah, en fait, on fait jusqu'à 18h et de 18h à 19h, on a une intervention. Donc, pour toutes les personnes qui sont autour, est-ce que vous voulez bien, si vous souhaitez participer à la boîte à questions, venir vous installer? Allô? Allô? Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher et venir vous asseoir si vous voulez participer à la boîte à questions après, pour qu'on puisse commencer à prendre une question, la poser? C'est vraiment l'atelier a fait. C'est très fort? Je baisse? Décidément, l'atelier a fait écarter tout le monde. Ouais, mais on n'est pas 4-5 là encore. Donc, est-ce qu'on va y arriver, tu crois? Ok, bon. Donc, je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît, pour qu'on puisse commencer. Et puis, du coup, eh ben, la première main innocente va tirer la première question. Qu'est-ce qui peut inspirer la défiance des ouvriers par rapport à Nuit debout? Comment aller au-delà de ce malentendu? D'accord, tout le monde a entendu? Qu'est-ce qui peut... Qu'est-ce qui peut inspirer la défiance des ouvriers par rapport à Nuit debout et comment aller au-delà de ce malentendu? Alors, tu commences? Alors, je pense que la défiance des ouvriers vis-à-vis de Nuit debout, elle est aussi due aux médias. Parce que moi, je pense que quand même, quand on est ouvrier, on travaille beaucoup. Et pour s'informer, on rentre du boulot, on est fatigué. Et le seul moyen d'information qu'on peut avoir de disponible, eh ben, a priori, ce sera la télé, ce sera la radio, ou même Internet et autres. Et on a, quand on est ouvrier, enfin, je pense que quand on est ouvrier, on a autre chose à faire que se dire, ah bah je sors du boulot, bah tiens, je vais prendre le RER, le métro et autres, et je vais aller place de la République voir réellement ce qui se passe. Je pense qu'on est fatigué. On a une famille, pour ceux qui ont une famille, on a une famille à gérer. Et donc, en fait, y a ce côté, y a cette question des médias, c'est-à-dire que on est ouvrier, on travaille et on dépend des médias pour l'information. Et là, on a des médias qui sont vraiment tombés sur Nuit debout, mais dans tous les sens, dans tous les mauvais, sur tous les mauvais aspects, c'est-à-dire à en faire soit un rassemblement de je sais pas quoi, de personnes infréquentables, de drogués, de tout ce que vous voulez, ou alors le rassemblement d'une simple de la petite bourgeoisie, des bobos du dixième. Du 10e arrondissement. Et ça, en fait, ça donne pas du tout envie à l'ouvrier de sympathiser avec Nuit debout. Donc je pense que les médias ont joué un grand rôle là-dessus. Je répète la question pour ceux qui viennent d'arriver, c'est pourquoi une méfiance des ouvriers vis-à-vis de Nuit debout et comment y remédier, c'est ça, non? C'était quoi la suite? Oui, c'est ça. Alors moi, par rapport à la question, en fait, il se passe que par rapport aux ouvriers, que bon, j'ai pas votre vie, j'ai pas tout ça, mais par rapport à ce que tu as dit, par rapport à l'ouvrier qui a regardé la télé, qui a dit que tout, qui a entendu tout simplement par les médias, par tout ça, que voilà, Nuit Debout, on était des casseurs, des drogués, des toxicos, des alcooliques, des personnes qui faisaient que parler, n'est pas agir. Ce qui est complètement faux, parce qu'il y a d'autres personnes des alentours qui y travaillent et qui me sortent tout le contraire. Ils sortent, oui, je souhaiterais venir sur Nuit Debout, mais le problème, et il est là le point chute, c'est qu'il y a une famille derrière, il y a le mari, il y a des gosses, il y a tout ça, et ils sont bloqués par rapport à ça, parce que le mari va croire aux informations de la radio ou des journaux quand il va partir au travail, les médias, mais derrière... la femme derrière ne va pas croire les médias, parce qu'elle verra complètement réellement en arrivant ou en partant du boulot, bah, tout simplement, elle verra Nuit Debout, comment ça se passe et tout ça. Et il y a beaucoup de témoignages que j'ai eus depuis maintenant 2 mois, où même les retraités, qui sont les riverains quand même, qui nous supportent tous les jours avec la sono, tous les jours à entendre des bagarres tous les jours, à voir tout et n'importe quoi. Et ces gens-là me disent... Mais vous savez, moi pour Nuit Debout, ce que je pense, c'est que tout simplement vous êtes un mouvement social qui attend quelque chose de la part du gouvernement. Mais derrière nous les riverains, c'est ce qu'on attend aussi. On peut pas venir malheureusement, parce que voilà, il y a le piston à côté, à l'école, à aller chercher à 10-15 minutes d'ici. Mon travail, je finis mon travail, bon bah il est 20h, 21h, il n'y a plus personne sur la place de la République. Il y a un gros souci où là, c'est ainsi, Nuit Debout est complètement à nouveau respecté par les citoyens travailleurs, mais il se passe que à cette heure-ci, à partir de 18h, tous les stands sont montés, et là, il n'y a plus aucun stand. Alors, c'est ça le problème, c'est-à-dire que là, les gens se disent que Nuit Debout est mort, Nuit Debout n'existe plus. Et moi, je leur dis, si Nuit Debout existe encore, venez sur la République, il y a des personnes de Nuit Debout qui viennent. Il y a des personnes qui s'occupent de certaines choses, de certaines actions, comme en parlant d'Éduc Pop, déjà une. Parce que vous êtes tous les week-ends, j'ai fait passer l'info à inviter des gens à venir, c'est des débats, c'est des actions. Il y a Bibliothèque Debout, il y a aussi les anti-pubs, le sexisme. Il y a tout ça qui fait que Nuit Debout existe encore. Il y a nous aussi, les sociologies qui existent aussi. Mais à cette heure-ci, si on n'arrive plus, comme à l'époque, regrouper Nuit Debout pour ramener du salarié qui travaille et qui finit tard le soir et qui est complètement fatigué pour venir à République, même pour une heure, une demi-heure, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque à tout le monde. C'est pour ça que tous les soirs, ça part en vrille. Tous les soirs, on se dit... Moi le premier, je me dis, mais putain, ce soir, ma soirée, ma nuit, elle va être comment? Est-ce que je vais pouvoir passer une nuit correcte en dormant tranquillement, sans entendre qui crier? Et derrière, voilà. Mais c'est ça, par rapport à l'ouvrier, s'il ne veut pas venir, c'est parce qu'il voit que personne ne se mobilise. Il ne voit pas ça, il ne voit pas la mobilisation elle, comme elle était au début. La mobilisation où il y avait sur Nuit Debout des stands, 200 stands maximum, avec tout le monde réuni. Et là, maintenant, il y a quoi? Un stand tous les week-ends, voire un deuxième. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir. Parce qu'ils savent très bien que Nuit Debout n'existe plus. Bah, il me semble que dans la question, c'est la méfiance des ouvriers vis-à-vis de Nuit Debout, donc depuis le début du mouvement, pas spécialement maintenant. Mais bon, est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir sur cette question-là? Oui. Alors moi, ce que je voudrais peut-être dire, c'est est-ce que réellement il y a eu de la méfiance sur Nuit Debout? Parce que moi, je me souviens qu'au commencement de Nuit Debout, c'est vrai que quand je suis venue les premières fois, autant dire que j'étais perdue, je ne savais pas trop ce que c'était, comment s'y retrouver. Non, peut-être que des ouvriers sont venus et n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris le fonctionnement des différents stands, tout ça, parce que c'est vrai qu'il y avait consultation avocat, il y avait écologie, et honnêtement, quand moi je venais, je ne savais pas trop ce que c'était. Et comment j'ai mieux compris, c'est qu'une fois j'avais une question à poser, et que je suis arrivée un dimanche, il y avait une assemblée générale, et justement la personne qui intervenait à l'assemblée générale quelque part, pouvait répondre à la question que moi je me posais. Et donc c'est pour ça qu'après, j'ai pris le train en marche comme ça. Donc je pense qu'il y a des personnes qui sont venues, qui n'ont pas réussi à s'y retrouver, parce qu'au niveau des commissions, c'était peut-être cafouilleux, tout ça. Donc voilà ce que je peux dire. Oui, la difficulté de trouver sa place par rapport à ce qui était en train de se monter. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite rebondir sur la question ? Donc la question de la boîte à questions était pourquoi la méfiance des ouvriers par rapport à Nuit Debout et comment y remédier ? Est-ce que... Oui ? Oui, bonjour. La méfiance des ouvriers par rapport à Nuit Debout, les ouvriers, ils ont l'habitude de se mobiliser en syndicat. Et Nuit Debout se revendique comme n'étant pas un syndicat. Donc à ce moment-là, pourquoi est-ce que les ouvriers viendraient le voir ? Merci. J'avale, vous m'entendez ? Oui. Oui, moi je suis ouvrier, fils d'ouvrier, fier de l'être. Je pense qu'effectivement il y a eu un gros décalage dans la mesure où les médias, et c'est pour bonne partie la faute, la faute des médias, quand Finkielkraut s'est amené ici, c'était à mourir de rire, il fallait le jeter ce mec-là. Il y en a d'autres comme ça. Maintenant, il faut s'approcher d'un mouvement comme Podemos en Espagne, c'est-à-dire la démocratie directe. Voilà tout ce que j'avais à dire. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir sur cette question ? Oui. Oui, quand on dit qu'il faut se rapprocher de Podemos en Espagne, il y a des particularités de Podemos en Espagne. Par exemple, la première que je vois, c'est que Podemos en Espagne a exclu beaucoup de gens. Ils se sont dit, on va pas pouvoir travailler et avancer sans exclure des tas de gens, quoi. Ils ont continué, ils ont décidé donc d'exclure pour leur permettre de travailler. Là, je suis pas sûr que ce soit ça, quoi. On a des spécificités. On n'est absolument pas dans le même cas de figure. Là-bas, c'est une monarchie, institutionnelle. Les gens restent très très attachés à la famille royale, alors que ça leur coûte un ojo, comme on dit chez nous. Okay. Mais le problème de Podemos, ça fait maintenant 10 mois qu'il n'y a toujours pas de gouvernement en Espagne. Pourquoi ? Parce que la merde, c'est qu'il faut le système est tout à fait différent. On peut pas comparer las Cortes Españoles avec le Sénat, avec la législature française. Par contre, on peut tâcher de s'en approcher. Voilà. Alors, moi, je viens d'avoir une annonce par quelqu'un de Nuit Debout. C'est une alerte à l'attentat dans le 3e arrondissement au niveau de l'église, juste en bas. C'est tout simplement là, les forces de l'ordre ont fait appel à se protéger si c'est vraiment quelque chose déclaré réellement ou si c'est des affaires. On ne le sait pas, ça attaque une église. Alors tout simplement, messieurs, dames, je fais appel à tout le peuple de République de ne pas descendre pour le moment vers l'église du 3e arrondissement, s'il vous plaît, suite à une alerte d'attentat. Merci. Ok. On change de question, peut-être ? Tu voulais répondre à l'attentat ou à... Rien à foutre. Personnellement, rien à foutre des attentats. On sait par qui ils sont faits. Donc, et tant qu'on va pas les virer, on aura des attentats. Donc, le truc, c'est que sur la question des syndicats, je sais pas qui a été à la marche hier, le 15. Et ce que font les syndicats, c'est à se voir. Et donc, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Le problème des ouvriers, c'est un problème de syndicats. Les syndicats ne suivent pas Nuit Debout, parce que les syndicats ont besoin de Nuit Debout pour faire passer leur message à la con. Mais sinon, ils suivent pas Nuit Debout. Et si les ouvriers suivent Nuit Debout, les ouvriers se libèrent des syndicats. Et donc le problème, il est là. C'est tout, c'est simple, c'est bête, faut pas aller chercher plus loin. Donc Nuit Debout soutient un syndicat parce qu'il soutient les ouvriers. Les ouvriers utilisent Nuit Debout parce qu'ils en ont besoin. Mais ce sont deux forces opposées, littéralement opposées. Et donc, c'est aux ouvriers de faire la part des choses à un moment donné, d'avoir leur cervelle et de se prendre en main. Ouais, mais je suis assez d'accord. En fait, c'est vrai que les... Je sais pas si c'est la majorité, le principal, mais ouais, ça fait sûrement partie beaucoup du problème. On l'a vu en fait hier, t'as raison, on l'a vu à la marche, les syndicats qui sont arrêtés là-bas en fait, et tous les ouvriers ont suivi là-bas, et bah, personne n'est venu sur la place, quoi. Et ça fait assez mal en fait, c'est vrai que... Mais t'as raison en fait, je suis sûr que comme il suffit qu'ils viendraient là plusieurs fois, parce qu'une fois ils peuvent être déçus, il suffit qu'ils viendraient là plusieurs fois et qu'ils voient par eux-mêmes, ça pourrait les libérer effectivement de juste suivre un cortège bêtement et de rentrer chez eux à 18h. Mais et après il y avait aussi Seb en fait qui disait, je suis assez d'accord au final, ce qu'il dit c'est qu'il n'y a pas assez de monde et qu'en fait en France il y a toujours un attentisme, je sais pas si on dit comme ça, mais on attend en fait, les gens attendent qu'il y ait du monde et plus il y a du monde, plus ça ramène du monde, ah bah s'il y a du monde alors je vais venir et c'est comme ça, enfin en France j'ai toujours l'impression que c'est comme ça, s'il n'y a pas assez de monde bah je vois pas pourquoi moi j'irais. Donc ouais, c'est lui, je vois toujours très bien ce qu'il veut dire Seb, quoi. Après pour aller au-delà du coup c'est, je sais pas trop comment pour répondre à la question. Mais je m'excuse de revenir sur ce que on a fait précédemment, quoi. Mais on a bien vu, hein, finalement, on a énormément de gens en périphérie qui regardent relativement ce qui se passe à l'intérieur, des gens qui agissent. Donc il y a une méfiance, il y a des gens qui s'y mettent et qui tentent. Il y a des gens qui passent, qui vont d'un endroit à un autre. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de spectateurs, quoi. Il y a peu d'acteurs. Et les syndicats, bien sûr, c'est comme, à mon avis, s'il y avait eu des gens de théâtre ici, ils seraient restés à la périphérie aussi en train de regarder ce qui se passait. Je les rapproche du syndicat, mais c'est un peu ça, quoi. Ils sont là en périphérie en attendant que ça se passe, quoi. Ok, bon, on change de question ou ça fait pas foule, mais... Alors... Peut-être que la question suivante va rameuter plus de monde. Tu veux en piocher une ? Non ? D'accord. Vas-y. Bon. Alors, la question suivante est... Les gouvernements dictatoriaux dans le monde, pourquoi ? Eh ben, ça c'est une grosse question. Donc, vas-y, premier. Les gouvernements dictatoriaux dans le monde, c'est ça la question ? Pourquoi ? Oui, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'il y a des gouvernements dictatoriaux, il y a des gouvernements démocratico-riaux. D'accord. En fait, les dictatures, les vraies dictatures, c'est lorsqu'un gouvernement ou un chef d'État a lui-même les décisions de tout dans son pays et aussi la monnaie dans sa poche. C'est-à-dire la monnaie du pays, le pays vit bien grâce à lui. Quand on dit la monnaie dans sa poche, ça ne veut pas dire Liechtenstein. Ça veut dire vraiment, il gère le pays, c'est lui qui fait en sorte que le pays va bien. Et les seuls dictateurs dont on nous parle, c'est eux. Ce sont des chefs d'État qui gèrent leur pays comme ils ont le droit de le faire si le pays le veut. Ensuite, il y a ceux qu'on nous fait appeler des dictateurs, des faux dictateurs, qui sont des sous-fifres des anciennes colonies ou leurs colonisateurs occidentaux ou autres, et qui eux obéissent aux pays démocratiques. Donc ce que vous appelez des dictateurs ne sont que des secrétaires d'État, des agents, des commissaires des pays démocratiques. Donc la question, je pense, elle est mal posée. Parce que les vrais dictateurs, on les combat et c'est nous-mêmes qui l'ontions. On a mis Laurent Gbagbo en prison en Côte d'Ivoire. On a tué plein de gens. Thomas Sankara, on a tué... Donc tous les vrais dictateurs, on les a assassinés. Les autres ne sont que des singes, des sous-fifres. Et donc, en aucun cas dictateurs, parce qu'ils ne possèdent rien. Bokassa ne possédait rien dans son pays. Il ne possédait rien. Il était salarié de la France. C'est tout. Donc à un moment donné, il faut poser la question d'une meilleure façon pour qu'on puisse répondre d'une meilleure façon. Oui, il faudrait peut-être déjà définir ce que c'est qu'un gouvernement dictatorial. Oui, je trouve intéressant les deux personnages que tu as rapprochés, Malanjo, Thomas Sankara, et que tu as effectivement peut-être à raison parler de dictatorialité, si je puis dire, pour lui. Et tu le rapproches de Bokassa. Est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'il y a une différence entre les deux pour toi? Je le dis et je répète, Thomas Sankara, chef militaire, était un dictateur de bienveillance qui a fait du bien à son état. Bokassa était un sous-fifre, un nain, un singe, une magie, un invisible. Il ne décidait de rien. Il prenait ses ordres du cabinet de l'Elysée. Il obéissait. C'est, comment il s'appelle, Valéry Giscard d'Estaing, qui a financé son empire. Il n'avait pas d'argent, Bokassa. Rien du tout. Quand il donnait des diamants, c'était des diamants qu'il achetait. Voilà. Même les mines de diamants ne lui appartenaient pas. Il n'avait pas le droit de parler, de dire dans les mines de diamants de son pays. Donc, je n'ai pas ressemblé les autres, les deux. J'ai dit simplement que Thomas Sankara, Kadhafi sont des dictateurs. Bokassa est un sous-fifre, un singe. Un secrétaire d'État des pays démocratiques. Je répète, pour les gens qui viennent d'arriver, on est sur la boîte à questions, et la question qu'on est en train de traiter, c'est les gouvernements dictatoriaux dans le monde, pourquoi ? Bon, mais je voudrais vous dire merci, parce que ça me ferait plaisir d'être sur un plateau de télévision avec personnellement certains dirigeants européens, plus particulièrement Nicolas Sarkozy. Si je l'avais sur un plateau de télévision, j'allais être zen pour lui répondre, lui faire l'histoire de la France que la Hongrie a combattue depuis belle lurette, la Hongrie qui a été aux côtés des Allemands pour combattre la France. Aujourd'hui, il s'enorgueillit d'être français. Et il frappe à la porte, à sa poitrine, je suis français. Il ne l'est pas. Dites-lui que ce qu'il dit n'est pas faux, mais il ment. Et l'Afrique ne regorge pas de dictateurs. C'est des gens qui reçoivent des ordres de la France, pour être plus explicite. On leur dit, voyez ce qui se passe au Cameroun, ça fait près de 36 ans qu'il est au pouvoir. Est-ce qu'on parle de lui ? Parce qu'il sert bien son patron, alors on ne parle jamais de lui. Est-ce qu'on parle en ce moment, est-ce qu'on parle du président tchadien? Non, à ce que je sache, on ne parle pas de lui, parce qu'il sert loyalement ses patrons qui sont les Français plus précisément. Est-ce qu'on a parlé de Bongo Père? On n'en avait pas parlé parce qu'il était loyal avec la France. Alors quand un monsieur se lève et qu'on le sait patriote, alors on le dégage, on fait toute une publicité mensongère pour le traiter de dictateur. On a tué Kadhafi comme une mouche. Aujourd'hui, qu'est-ce que les gens disent de lui? Non, on s'était trompé. Il est mort. Il n'y a pas de substitution. C'est fini, il est mort. On s'est trompé, ce n'est pas une poupée qu'on a traitée comme ça. Alors, moi, je suis outré de voir les Français qui se font ridiculiser à travers le monde pour faire revenir Sarkozy au pouvoir. Alors que la France a des universitaires. La France n'a pas de diplômés, mais des intellectuels. Et un monsieur qui a mis la France dans de la patate, on veut encore le faire revenir. Ça voudra dire que, à part lui, la France n'a pas de cerveau. Mais ceux qui me font plus pitié, ce sont les socialistes. Les socialistes français, si je pouvais au moins décoder, je dirais que c'est un parti de sauvages. Et je voudrais mourir d'une bonne mort. Parce que je voudrais exister, je ne voudrais pas vivre. Alors je préfère leur dire, devant eux, hier on a détruit Dominique Strauss-Kahn, ils n'ont pas agi. On est en train de détruire Cahuzac, ils n'agissent pas. Et François Hollande, sur qui nous avions compté, il ne prend même pas connaissance des dossiers de la France et il fait les moutons de Panurge. Oui, pourvu qu'on lui dise celui-là n'est pas bon et puis il accepte. J'en suis outré. J'ai mal. Nous sommes ici à la place de la République. Quand on dit République, ça veut dire un État bien concis. On empêche des autres d'être à leur place de République. Et nous, quand nous sommes là, il y a des gens qui se font ridiculiser. Mais je leur dis, ignorer étant mauvais, ne pas se renseigner est pire. Je voudrais que vous vous renseigniez. Quand on dit, vous êtes des sans-papiers, je dis non, je ne suis pas un sans-papier. Parce que nous avons des gardes sceaux chez nous. Alors quand j'arrive là, je n'ai pas un titre de séjour français. Mais je ne suis pas un sans-papier parce qu'avant que je n'arrive ici, j'avais déjà mon passeport. Donc, j'avais un papier. Et quand les gens se lèvent pour dire les Noirs, je dis, dommage, joindre la force à la raison revient à renier la force de la raison. Le Noir, quand vous courez à travers le monde pour obtenir du pétrole, quand vous l'obtenez, vous dites on a eu l'or noir, n'est-ce pas? Alors le goudron qui en découle est noir. Le charbon qui vous donne de l'énergie est noir. Le café qui vous revigore est noir. Et on dit on écrit du noir sur du blanc, n'est-ce pas? Et pour corroborer tout ça, on est parti mettre un petit noir à la Maison Blanche. Qui dit mieux? La couleur noire n'est pas la couleur de la divinité. La couleur noire, c'est la couleur importante parce que on dit l'Afrique berceau de l'humanité et le premier homme est né en Afrique et il était noir. Alors les gens s'associent avec des bougnoules qu'ils veulent appeler des dictateurs. C'est des bougnoules, c'est pas des dictateurs. C'est des gens qui ont pris leur cerveau à la place de leur cerveau, qui ont pris leur estomac à la place de leur cerveau. Et quand l'estomac en ébullition et que le cerveau est givré, on dit beaucoup de bêtises. L'Afrique n'a pas de dictateur. L'Afrique ne respecte que ce que leurs patrons leur disent de faire. Le Camerounais est au pouvoir, ça fait 50 ans. On ne lui dit rien. Gbagbo a simplement levé le doigt et on l'a traqué. On l'a amené à la haie. Merci, madame. Merci beaucoup à vous pour tout ce que vous avez dit. Donc je répète pour les gens qui sont là qu'on est en train de répondre à la question, les gouvernements dictatoriaux dans le monde, pourquoi? Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus pour participer, donc n'hésitez pas à lever la main, je vous donne le micro et vous donner là-dessus votre position pour qu'on puisse avancer sur la question ensemble. Je voudrais évoquer un personnage, c'est Senghor qui disait un personnage de la négritude, qui m'a beaucoup touché. Je suis des fois étonné qu'il soit aussi peu connu. Comment il s'appelle? Merde, ça y est, son nom m'échappe. C'est Toussaint Louverture. Toussaint Louverture était quelqu'un qui, dans la première période suite à l'abolition, la première abolition de l'esclavage, avant qu'elle ne soit remise en place, a été le premier maréchal d'empire noir. En France, il était effectivement guadeloupéen. Corrigez-moi si je dis des conneries, quoi. Ce personnage, comme disait Malanjo tout à l'heure, pardon, Haïti, d'accord. Ce personnage, comme disait tout à l'heure Malanjo, me semble avoir été quelqu'un qui voulait participer pleinement à la République, mais qui voulait participer pleinement à la République en suivant sa propre sensibilité et sans jamais être inféodé. Quand on a remis en place l'esclavage pour des raisons économiques, à la demande des colons qui étaient dans les pays, il est rentré en rébellion contre la France. Et bon, moi je suis assez fasciné par ce personnage que j'ai... Et il se trouve que ce personnage qui a pris une position très particulière, puisque les Haïtiens, comme on disait tout à l'heure, continuent à payer cette rébellion de Toussaint Louverture. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ce personnage, dans sa succession, a tout de suite donné l'habitude ou l'autorisation à beaucoup de gens de devenir des dictateurs. Enfin voilà, moi c'est un paradoxe qui me pose plein de questions, quoi. Toussaint Louverture, personnage très très beau de la République, qui du fait de la perversion de la République est devenu un rebelle, mais je pense que c'était le plus républicain de tous, quoi. Juste pour les personnes qui sont là, vous n'hésitez pas à vous rapprocher, vous pouvez aller sous la tente, c'est pas obligé de parler si vous venez sous la bâche. Hein. Et maintenant, Joe, j'ai vu, si quelqu'un veut intervenir avant, comme ça, si les personnes qui sont pas encore intervenues, n'hésitez pas. On est en train d'essayer de répondre à la question, les gouvernements, une question très large, hein, remarquez, hein. Les gouvernements dictatoriaux dans le monde, pourquoi ? Je vais pas répondre à la question, parce que j'ai déjà répondu tout à l'heure. Je vais revenir sur ce que disait notre ami, notre collègue, notre tonton, concernant Toussaint Louverture. Il faut comprendre une chose, à mes amis africains. Les amis africains, il faut comprendre une chose. Haïti a combattu les armées françaises et américaines grâce à la force du vaudou, grâce à la culture haïtienne africaine. Quand ils ont gagné, ils se sont reposés et sont devenus un peu plus pacifiques. Et quand ils n'utilisaient plus la force du vaudou, l'Occident a réattaqué et les a eus. Je veux dire que ce n'est pas... On vous met les cultures africaines comme des cultures mauvaises et malsaines, mais dans nos cultures anciennes, il y a une force, il y a une énergie. Et quand tu vois un petit pays, une petite île comme Haïti, qui a combattu les armées de Napoléon, les armées américaines, uniquement en utilisant la force du vaudou, il faut comprendre pourquoi on cache ses forces au peuple et pourquoi on cache ses pouvoirs au peuple et pourquoi on nous envoie dans des directions. Voilà. Je comprends que c'est tous musulmans, chrétiens, la question n'est pas là, mais pourquoi on nous cache les pouvoirs de la vie, pourquoi on nous cache les spiritualités, pourquoi on nous cache les énergies? On peut se défendre en connaissance des énergies. Est-ce que quelqu'un souhaite rebondir ? Oui. Attends, il n'a pas encore parlé, donc... Moi, je suis d'accord pour ce qu'elle a dit, le monsieur, mais pas d'accord pour la question de parler des races, des blanches, des blacks, de toutes. Parce que nous, ensemble, on est personne. Donc, quand ça parle des problèmes, on est toutes personnes. On n'est pas... raciste de dire moi je suis blanche, moi je suis black, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça. Voilà, on est tous ensemble. On n'est pas parlé des blanches ou des blacks, pas parlé de l'Afrique, pas parlé de l'Europe, pas parlé de l'Amérique. Nous on est en France et maintenant le problème c'est en France maintenant, c'est juste ou non? Bah ouais, moi je parle pas de... Toi tu es blanche et moi je suis noir. Alors que moi je suis plus de tous parce que moi, mon expérience, tout le monde payé donne à tous à toi. Hein? Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Moi j'aime pas les racistes, j'aime pas les racistes. Ok, non moi je voulais rebondir sur... Sur un truc par rapport aux dictatures, je pense qu'il y a eu aussi une grosse connerie, peut-être volontaire d'ailleurs, des républiques et des premières démocraties, enfin pas des premières démocraties, mais des démocraties après la Révolution française, qui ont pensé que si on allait libérer des peuples, alors déjà les libérer au nom de quoi, et qu'on enlevait le dictateur qui était sur place, une démocratie allait naître naturellement, comme si c'était inhérent à la nature des hommes de créer des démocraties, alors que c'est pas du tout le cas, c'est pris dans une histoire, dans plein de cultures certainement que le système démocratique ne conviendrait pas du tout, donc... Il y a eu aussi ça, enfin, qui a favorisé la création de dictatures là où même avant il n'y en avait pas. Et je pense que déjà, si on évitait de croire que la démocratie est le meilleur système pour tout le monde, ce serait peut-être pas mal de laisser les gens aussi inventer avec leur culture ce qu'ils souhaitent inventer. Rico ? Ouais, mais il a déjà parlé, t'as pas parlé encore. Moi c'est Malangeau, je réponds juste à ce qui vient d'être dit qui est très important et je donne le micro à Rico. En fait on a parlé de démocratie et de dire que les autres peuples peuvent vivre comme ils le veulent et nous en démocratie. Très bien. Et c'est un truc que j'ai déjà dit et là comme c'est enregistré j'espère que ça va repasser. Je vous demande de comprendre le mot Thalassa, mer, eau, Crassie. Thalassocratie, domination des mers. L'art de la domination des mers. Ok, on reprend un autre mot. Démocratie. Démocratie. Donc, Crassie, domination, eau, les. Maintenant, il reste dème. Certains disent c'est le peuple, parce que démo, c'est le peuple. Dos, démiurge, disent dème, le divin, Dieu, la créature. Ben, on peut comprendre cette phrase, en vérité, en réfléchissant bien. L'art de dominer le peuple par la domination du divin. Et donc, de penser que nous ne sommes pas en démocratie, je vous le répète, nous sommes complètement en démocratie. Car on nous a couillonné depuis des années en université en nous faisant croire à une pseudo-version de la démocratie. Nous sommes aujourd'hui totalement en démocratie. Car nous vivons chez les peuples démocratiques, c'est-à-dire mettre la religion de côté, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mettre le spirituel de côté, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mettre la raison de l'homme au-dessus de la raison du divin, au-dessus de la raison du peuple. C'est ça la démocratie. Donc, sincèrement, il faut parler de ce que c'est que la dictature. C'est vrai, on a bien parlé parce qu'on a bien essayé la démocratie, la dictature. Mais nous, il nous faut repenser la démocratie. Il nous faut repenser ces phrases, ces mots. Parce qu'on nous dit des phrases, on nous donne des mots et on nous donne des explications bizarres, complètement contraires. Et quand on fait des études, qu'on essaie de comprendre comme des intellectuels, c'est-à-dire des chercheurs, on dit merde, on nous a tourné en bateau. Démocratie, art de dominer le divin, art de dominer le peuple. Donc nous sommes parfaitement en démocratie. Et donc, pour ceux qui cherchent la démocratie. Ouais, bah, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire à Malonjo en même temps. Et en fait, moi, j'ai envie de rebondir, bing, d'un seul coup, sur. Parce que je vois au niveau de la question, j'essaye de me remettre sur la question, donc de l'arnaque des impôts, donc. Ah non, c'est pas celle-là ? Mais en même temps, j'ai envie de rebondir là-dessus en même temps. Il y a des gouvernements dictatoriaux. Non, mais justement, des gouvernements dictatoriaux, on est là, on parle aussi... c'est vrai que Malanjo, il aime bien parler de tous les problèmes du monde. Ça, je suis d'accord avec lui. Mais en même temps, moi, je rebondis par rapport aux problèmes qu'on a ici, en même temps, par rapport à ça aussi. C'est-à-dire qu'on parle aussi des impôts. Là, je les vois, là. Je le vois, ce mot « impôt ». Non, mais c'est très bien. C'est je vois ce mot impôt et en même temps je vois aussi que au niveau il faut en parler au niveau des classes et compagnie, ça fait partie aussi d'un système dictatorial et d'un système en même temps de capitalisme, on est en plein dedans et ça faut pas le nier, faut pas le regarder à travers, et que justement la plupart des gens qui payent des impôts aujourd'hui, ça aussi faut se baser dessus. Il y a énormément de gens qui payent d'impôts, ça leur pose pas de problème de payer d'impôts, parce qu'encore en plus, ils effacent leurs impôts. Ils font en sorte d'effacer leurs impôts. Alors que justement, d'autres classes justement, on leur demande à eux aussi de payer des impôts. On leur demande à eux aussi d'aller payer, alors qu'ils touchent une misère. Ça aussi, voilà, ça fait partie aussi de justement de la dictature, du système dictatorial. De dire je fais encore plus payer ceux qui n'ont rien plutôt que je fais payer ceux qui ont plus. Et en plus, on leur donne en plus le droit à ces gens-là. Ça veut dire d'exonérer ou de payer moins. Tout ça parce qu'ils ont une grosse baraque. Comme une personne que je vois qui est en train de partir, qui va l'écouter et qui dit ça m'intéresse pas. Hein? Donc ça aussi, ça fait partie du système dictatorial. Vous pouvez me regarder, cher monsieur. Je vous vois aussi, vous inquiétez pas. C'est pour ça que vous partez. Et ça aussi, ça fait partie du système dictatorial. Et si on doit parler du système dictatorial, il y en a un qui disait, que j'ai entendu dernièrement, qui disait, comment c'est bizarre, le noir, lui, court plus vite. Le blanc, lui, est intelligent. Et ça fait partie de quelqu'un que j'ai entendu de sa propre bouche. Et ça fait, pour moi, ça a fait écho chez moi. Ça m'a fait bizarre. Bah ça, ouais, ça fait rico, tu vois, bingo, ça fait rico, donc voilà, hop là. Mais voilà, c'est ça aussi, le système dictatorial. Le système dictatorial, exact, le système dictatorial égal. Racisme, si on en parle du racisme aussi. Quel racisme? Qui c'est? Qu'est-ce que le racisme? Qui c'est qui s'est penché sur la question? Là, on parlait de dictateur, de dictature, de présidences qui prennent les gens pour des cons, des présidences qui pensent que les blacks sont des merdes, qui pensent que les arabes sont des merdes, qui pensent que la plupart des gens sont des merdes à part eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des grandes écoles. Et que ce sont ces gens-là qui nous disent qu'est-ce que je dois payer dans ma vie? Combien je vais payer d'impôts dans ma vie? Combien je vais devoir donner à un État qui, justement, par rapport à ce qu'ils sont en train de prendre, ils s'en foutent plein les fouilles? Et que tout ce qui doit être donné, malgré ce qu'on est en train de faire là au niveau du social, parce qu'on en fait aussi du debout du social, sans le savoir. Sans savoir qu'on en fait quand même du social. On aide des gens, on aide des réfugiés. Le social, il est là aussi à nuit debout, faut pas l'oublier. Et les gens qui passent autour sans écouter, ben si, il faut qu'ils le sachent aussi. Nuit debout, c'est pas uniquement là pour faire joli, ou pour qu'il y ait des pâquerettes, ou déstabiliser la pub à mort, c'est ça aussi, voilà, nuit debout. C'est de faire du social aussi. Chaque fois qu'éducation populaire est là, c'est pour faire du social, faut pas l'oublier. Donc n'oublions pas ça. Et de se dire que voilà, parce qu'on n'a pas fait les grandes écoles, on n'est pas plus intelligent qu'un autre. Non! Toutes les personnes qui sont là, t'es sûr qu'on a peut-être arrêté en quatrième, on a peut-être été jusqu'au bac. Allez, voilà. Mais au moins, on travaille, pour certains, qui ont la chance, mais en même temps, on bosse, on en parle à nos collègues, et en même temps, on est là. On vient mettre des bâches, on vient mettre des enceintes, on vient arriver avec notre micro, et on vient défendre, on va dire, le social de ce pays, voilà, tout simplement. Et ça, faut le dire, nuit debout. On le dit pas assez. Et quand je vais dire à des gens, aidez-nous à tracter, il y a des tracts qu'on a fait. Eh ben, ces gens-là, je vais leur dire, venez, suivez-moi, bordel. On va dans le métro, on va dans la rue. Qui c'est qui va être là pour le dire, ça? Qui c'est qui va être là pour le dire après qu'on aura réussi peut-être à mettre quelqu'un, justement, qui dira, qui prônera exactement ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? Alors si on doit parler de dictature, si on doit parler de dictatorial, si on doit parler d'impôts, que ces personnes qui nous gouvernent, que ces personnes qui nous prennent pour des merdes, des pays immigrants, des pays des gens immigrés, qui font un travail de merde chaque jour, qui se lèvent à 6h du matin, qui se travaillent pas dans les bureaux, qui finissent pas chez eux à 5h, qui sont chez eux, tranquille peinard en train de prendre un bain, non, qu'on se réveille la tronche en disant c'est nous. C'est nous qui les payons plus, ces impôts. C'est nous qui nous levons le matin. C'est nous qui crevons la sueur, bordel de merde. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Et en même temps, tout le monde sait que je suis un grand gueulard. Merci Rico, toute la place t'as entendu. Ok. N'hésitez pas, les personnes, à me dire vous rapprocher. Hein, c'est pas parce qu'il y a une bâche qu'on est entre nous, hein, bien au contraire. Comme si jamais il pleut, de toute façon, vous allez tous venir. Donc, sinon, on peut demander que la pluie vienne pour être sûr que vous veniez là. Mais, je redis la question de base sur laquelle on était, parce que Rico a voyagé en d'autres eaux, troubles, mais c'était bien aussi. Hein. Et donc, la question, c'était les gouvernements dictatoriaux dans le monde, pourquoi? Donc, rapport avec les impôts, j'ai un peu eu du mal à suivre, mais t'avais un... Ouais, bah, par rapport à tout ce qui a été dit, de toute façon, pour moi, c'est clair, en fait, si on doit répondre à la question assez simplement, pourquoi, on voit bien qu'en fait, soit c'est un système dictatorial qui a plus ou moins été mis en place par les pays occidentaux, soit il s'est mis tout seul dans le pays, en tout cas, soit si on le laisse ou soit si on le crée, il y a un intérêt, en fait, tout simplement. Donc la question, c'est pourquoi, bah, je pense que c'est par intérêt, clairement. Les systèmes dictatoriaux, en fait, si on veut les faire tomber, souvent c'est par intérêt. Si on veut les laisser, c'est par intérêt. Donc au final, je pense qu'on revient toujours à la même question, c'est l'intérêt. Et pour donner une petite idée aussi de l'ambiance du moment, pour parler de ça aussi, colonisation, il y a Monsieur Fillon qui nous a fait une belle petite citation il y a quelques jours, qui disait qu'on ne devait pas avoir honte d'avoir apporté notre culture. Voilà. Donc voilà, encore un bel exemple de dans l'ambiance à laquelle on est. Merci. C'est marrant ce que tu viens de dire, cher ami, sur l'histoire de Monsieur Fillon, sur ce que l'Europe ou la France a appris aux Africains. Je vais vous demander juste un exemple, aux amis qui sont là. On vous a tous parlé de la Grèce et de Rome. Et très sincèrement, c'est un sujet que j'ai proposé à Éducation Debout, de faire un sujet sur la Grèce et Rome. Aujourd'hui, tout à l'heure, je vais vous parler de l'arnaque des impôts. C'est-à-dire L'impôt égale le chômage. Je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, donc ça c'est l'arnaque des impôts. Ensuite, j'aimerais un jour parler de l'arnaque de la Grèce et de l'arnaque de Rome. Pourquoi ? On vient de nous parler de M. Fillon qui disait qu'ils ont été éduqués, les Africains. Chers amis, lorsque vous regardez l'Afrique et que vous cherchez dans les monuments africains l'impact de la Grèce et de Rome, vous pouvez chercher longtemps. Pourtant, c'était deux grands empires énormes. C'était deux grands empires de ouf. C'est-à-dire, c'est des gens, ils étaient tellement grands qu'ils ont fait tout le monde et qu'ils ont appris plein de choses dans le monde. Ben, lorsque vous allez en Afrique et vous regardez les monuments africains, vous cherchez l'apport de la Grèce et de Rome, ben, vous cherchez longtemps. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent encore. Hein, ça fait 2000 ans qu'ils cherchent. Maintenant, lorsque vous regardez l'Occident et que vous cherchez l'impact de la culture africaine, dite de l'ancienne Égypte, dans l'Occident, alors là, vous faites un bouquin entier. Et donc, vous osez me dire que Rome, la Grèce, a dominé l'Afrique. Excusez-moi, mais soit... Non, c'est juste un exemple. Ok. Donc, c'est pour vous faire comprendre que les gens qui disent « Nous avons éduqué l'Afrique », ils devraient se remettre en question. Qui a éduqué l'autre ? C'est très important. Maintenant, pour revenir au dictateur, il faut comprendre une chose. Je vous donnerai l'exemple d'une citation d'un chercheur qui s'appelle Jean-Philippe Omotunde. C'est un Antillais qui est devenu panafricain. Jean-Philippe Omotunde, il raconte cette histoire. Il raconte l'histoire suivante. Il dit, et j'ai vérifié, j'ai fait exactement ce qu'il a dit, et je vous jure que c'est pareil. Il est rentré dans une librairie et il a demandé au libraire, je souhaiterais avoir un livre de sagesse européenne. Il n'a pas demandé un livre de sagesse d'Europe. Il a demandé un livre de sagesse européenne. Le libraire a regardé sur son ordinateur, a cherché. J'ai fait le même test. Le libraire a cherché. À un moment donné, le libraire a levé la tête et il m'a dit, excusez-moi, nous devons être en rupture de stock. Est-ce que vous pouvez revenir dans un mois ? Je lui ai dit, c'est pas grave. Donnez-moi un livre de sagesse française. J'ai pas demandé un livre de sagesse de France. J'ai demandé un livre de sagesse française. Le libraire, et j'ai fait ça dans deux librairies. Hein. Le libraire est retourné dans son ordinateur. Au bout d'un moment, il a levé la tête et il a dit, vous avez un auteur, s'il vous plaît ? Il ne peut pas en trouver. Il ne peut pas en trouver parce que l'Occident ne s'est pas forgé dans la sagesse. L'Occident s'est forgé dans la domination, dans le mensonge et dans le meurtre. L'Occident s'est développé dans la domination, dans le mensonge et dans le meurtre. Comment voulez-vous, après, créer une sagesse ? C'est-à-dire que ça marche pas ensemble. Lorsque j'invente une sagesse, que je la donne au peuple, il va bien voir que ta politique fonctionne pas. Mais lorsqu'on met la sagesse de côté, on en revient tout à l'heure avec la démocratie, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, moi les sages pas trop, parce que la raison. Lorsque vous lisez l'apologie de Platon par Socrate, non, de Socrate par Platon, Socrate met la raison au-dessus de la sagesse. Socrate met la raison au-dessus de du divin. Socrate est religieux, croit en Dieu, mais met la raison de l'homme au-dessus du divin. Et c'est dans cette pensée que nous vivons. Et cette pensée, c'est normal qu'elle va inventer des dictatures qui vont tuer d'autres personnes. Donc la réponse, pourquoi il y a des dictatures dans le monde ? Parce qu'il y a des peuples qui ont créé leur monde sur le mensonge, la domination et le meurtre. Et qui sont les meilleurs à faire ça ? Des criminels. Donc des 10 dictateurs. Mais comme on vient de dire, il y a deux sortes de dictateurs. Et donc, à la question, pourquoi les dictateurs dans le monde ? C'est parce que les pays de la démocratie, c'est-à-dire les pays qui dominent le divan, créent des politiques extérieures pour dominer les autres peuples. Et pour dominer les autres peuples, on met des dindes en place et on dit à ces dindes, vous allez agir de cette façon-là. Donc pourquoi il y a des dictatures dans le monde, c'est parce qu'il y a des démocraties. C'est tout. Ok, merci. D'autres réactions, du coup, là, je rappelle juste la question, on est sur la boîte à questions. La question, c'était des gouvernements dictatoriaux dans le monde, pourquoi ? Donc, si quelqu'un a des réactions, vas-y. Alors, pour moi, la dictature, c'est tout simplement un gouvernement militaire. C'est un gouvernement, tout simplement, comme à l'époque du Che Guevara, où même on peut remonter aussi au moment que les Espagnols ont voulu conquérir, comme les Portugais, ont voulu conquérir certains pays où ça a été conquérir suite à des guerriers. Et la dictature, le mot dictateur, c'est tout simplement un ancien militaire qui a fait tellement d'erreurs qu'il s'est dit, bon ben voilà, j'ai essayé de marcher sur mon peuple pour qu'il m'élise, comme ce qu'il appelle le Che Guevara, qui était révolutionnaire et dictateur. Et c'est là le souci, c'est-à-dire qu'à Cuba, ils ont pas mal morflé, ils en morflent encore, merci à cette personne. Et derrière, cette dictature, mais ça continue encore et toujours. Comme Malanjo, il parlait de l'Afrique tout à l'heure. Malanjo, tout à l'heure, tu parlais de l'Afrique. Mais en Afrique, dans les pays, on va dire, sud-africains et Afrique du Centre, Afrique centrale, il se passe qu'il y a beaucoup de dictatures là-bas. Non, je dirais pas là où il y a des nègres. Là où il y a des Africains noirs. Parce qu'il y a le Nord-Africain et l'Africain. Et pour moi, c'est aucune différence. Parce que voilà, vous êtes Africain et vous êtes des êtres humains en premier. C'est-à-dire que pour moi, tu te coupes ta veine, moi je me coupe une veine. Il y a le même sang, la même couleur de sang, ça ne va pas être vert de mon côté, toi rouge. Et ça, on ne peut pas passer sur une politique de comparaison au niveau de la couleur de peau. On est né comme on est. Mais derrière, il se passe qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, voilà, lui il est musulman, lui ceci, lui cela, alors voilà, on doit aller pour lui taper sur la gueule. En France, il y a de la dictature différente, mais c'est quand même la dictature. Et en France, la dictature, c'est tout simplement le gouvernement qui veut nous gérer, et c'est une dictature. D'autres gouvernements, c'est militaire, alors c'est une dictature aussi. Alors derrière, la dictature, si on peut la supprimer, c'est qu'on supprime tout simplement le gouvernement en lui-même, dans n'importe quel pays, que ce soit militaire ou pas, et derrière qu'on crée un peuple de gouvernement. C'est-à-dire le gouvernement, c'est le peuple qui décide de ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de diriger et ce qu'il a envie de produire. Et c'est ça, être hors dictature. Merci. Bon, moi je voulais changer un petit peu l'argument, parce que en fait je voudrais parler de la dictature des femmes. Mais comme c'est interdit, et il y a la police féministe qui nous écoute, j'ai pas envie de finir écharpé, je voudrais bien rentrer chez moi ce soir. Alors je vais parler les dictateurs, c'est nous. C'est-à-dire chaque fois qu'on achète quelque chose dont on n'a pas besoin, quelque chose qui est dégueulasse, qui nous empoisonne, qui nous tue le cerveau, etc. On le sait, parce que maintenant tout le monde a les informations qu'il faut. Mais on l'achète quand même, et c'est ce qu'on achète justement qui nous domine et qui nous esclavagise. Et on le sait, on le voit tous les jours, il n'y a qu'à regarder ses voisins, mais on n'arrive pas à changer. Et c'est le propre de la dictature, c'est-à-dire de faire croire qu'elle est essentielle, qu'on en a besoin, et que si on est libre, ce sera le bordel. Voilà, je crois que c'est ça le plus important. Ouais, c'était pour rebondir sur ce que tu as dit, parce qu'en fait, j'ai réfléchi depuis tout à l'heure et je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire sur le fait que on a mis la raison au-dessus. Bon, moi, je vais pas appeler le divin, je vais appeler ça la nature ou la vie, tout simplement. On a mis la raison au-dessus de la vie, ce qui fait que, du coup, je voulais dire ça, que j'étais d'accord avec toi, en fait. Je voulais dire autre chose, je crois, mais c'est passé entre-temps. Bon, mais je reviens, parce que plus le temps passe, on s'instruit là. Et je suis très content de me retrouver là. Alors, la dictature dont vous parlez, monsieur l'a décrit la manière la plus simple, parce que c'est nous-mêmes qui sommes des dictateurs. C'est nous. Mais quand on sort de nous, nous que je décode haine de nous, qui signifie nous tous, O qui signifie organisation, U qui signifie union, et S qui signifie la sérénité. Si on avait tout ça en nous, il n'y aurait peut-être pas de dictateur. Mais les politiciens égocentriques créent la dictature à travers le monde. Nous qui avons pris la décision de les installer sur un fauteuil, dès qu'ils s'installent sur ce fauteuil-là, ils nous traitent comme des moins que rien. Et c'est comme ça que vivent certaines personnes, certains diplômés, mais pas des intellectuels. Parce que moi, j'aimerais discuter avec des intellectuels, mais pas avec des diplômés. Parce que quand on est diplômé, il y en a qui ont triché pour les obtenir. Alors quand on leur pose des questions en dehors du diplôme dont ils se réclament la paternité, alors ils deviennent violents. Alors que l'intellectuel répond à des questions qu'on lui pose, en y mettant la sagesse dont mon prédécesseur a tout à l'heure parlé. Parce que la sagesse, c'est le socle de la résistance du peuple humain. Quand un jour, je vais parler de mon continent, quand un Africain se lève et puis dit « Non, je m'oppose à ça. » Par exemple, notre monnaie que nous utilisons en Côte d'Ivoire est fabriquée à Clermont-Ferrand. Le franc CFA, il est fabriqué à Clermont-Ferrand. Ça crée des emplois à Clermont-Ferrand. Et l'Afrique qui utilise ça ne fait que les moutons de Panurge. Oui, nous acceptons ça. Alors, quand un Africain se lève pour dire « Non, je m'oppose à ça », quand un Africain se lève et il dit « Je m'oppose à ça », on dit « Non, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui fait mal à son peuple ». Et un jour, j'ai écouté un des premiers ministres de la France qui disait « La résistance est une vertu de lucidité et de la loyauté ». Alors, quand nous résistons, pour nous, c'est de la dictature. Mais quand on voit un Paul Biya au pouvoir depuis 50 ans, c'est le bon et il constitue l'avenir. J'ai comme l'impression que les gens ne connaissent pas la signification de l'avenir. L'avenir, c'est ce qu'il vient devant. L'avenir, c'est ce qui apporte quelque chose de positif. Mais quand on est dans une stagnation et on l'appelle l'avenir, alors je dis à ceux-là, je me répète, qu'ils auraient pris leur estomac à la place de leur cerveau. Merci. Merci à vous. Alors, pourquoi y a-t-il des dictateurs dans le monde? Je pense qu'on pourrait répondre de plusieurs façons à cette question. Si on posait la question à Nietzsche, il dirait parce que dans le monde, il y a deux types d'hommes, ou deux types d'humains. Il y a l'esclave et le maître. Ce qui distingue l'un et l'autre, c'est que l'esclave, lui, préfère la vie à la liberté. Alors que le maître, lui, préfère la liberté à la vie. Alors on pourrait dire que s'il y a des dictateurs, c'est parce que il y a des gens qui ont des morales de maître et d'autres qui ont des morales d'esclave. Et Nietzsche nous dit que l'esclave s'est construit une morale par le ressentiment. C'est-à-dire que alors que le maître, lui, a une morale active, il affirme ce qu'il est. Alors que l'esclave, lui, est dans la jalousie, la vengeance. C'est toujours de la faute du maître s'il a des problèmes. C'est toujours à cause de l'autre, à cause du colonisateur, à cause de l'Occident, à cause de ceci, à cause de cela, mais c'est jamais de sa faute. Donc l'idée, ce serait de dire qu'il y a des dictateurs parce qu'il y a des esclaves. Et que les esclaves préfèrent vivre plutôt que d'être libres. Bon, voilà. Alors, on pourrait dire aussi, par exemple, qu'il y a des dictateurs parce que tout simplement, alors on irait vers la servilité volontaire, parce que les gens sont maintenus dans l'ignorance. Et donc, il y a des dictateurs parce que les gens sont ignorants, en fait. Ils n'ont pas conscience qu'en s'unissant, ils pourraient renverser la dictature. Voilà, donc il y aurait des dictateurs parce que tout simplement, il y aurait un manque de culture auprès des masses. Alors on pourrait aussi aller dans une autre dimension géopolitique et dire qu'il y a des dictateurs parce qu'il y a des empires qui, pour maintenir leur domination sur des pays périphériques, mettent en place des faux dirigeants qui sont des dictateurs. Voilà. Donc on pourrait continuer comme ça à l'infini. Pourquoi ? Parce que quand on dit pourquoi, il y a une infinité de réponses possibles. Donc je pense que la vraie question serait comment se libérer des dictateurs plutôt que pourquoi y a-t-il des dictatures dans le monde ? Merci beaucoup. Et merci, tes analyses multiples et ouvertes m'avaient manqué. Voilà. Alors attendez, du coup il y avait Rico, je crois, après il y avait un monsieur derrière, et Jeff aussi, ouais. J'adore Madame Jo qui me dit « Gueule pas, ça sert à rien ». C'est quand même assez sympa de la part de Madame Jo. Non, on laisse la place à Rico, c'est voulu quoi. Ouais. Et hop, il faut nettoyer le micro, tout le bordel. Non, en fait, voilà, il y a. On parle de. J'ai entendu de la démocratie, Jean, et en même temps, on est dans le thème, mais carrément à fond dans le thème. Et en même temps, une parole que j'ai encore entendue hier soir. Voilà, parce que j'ai entendu beaucoup de choses hier soir qui étaient hyper intéressantes. Et j'ai adoré. Et pour juste vous dire que Gandhi lui-même, qui prenait justement, on a parlé de sagesse, on a parlé d'énormément de choses. Et j'entendais Gandhi, il y a Gandhi, quelqu'un m'a dit en même temps, je me suis renseigné, c'est vrai. Je me suis renseigné ce matin à la bibliothèque François Mitterrand pour voir est-ce que c'était vrai. Et c'était vrai, exactement. Donc je vais remercier cette personne ce soir d'ailleurs. Et Gandhi disait. Je préfère taper, on va dire bagarrer ou faire la guerre plutôt qu'à l'acheter. Gandhi disait ça. Quand même con à croire, quoi. Gandhi qui dit je préfère la guerre plutôt que l'acheter. Je préfère foutre mon poing dans la gueule à quelqu'un plutôt que d'être lâche. Ça veut dire quoi, ça? J'aimerais qu'il y ait plusieurs personnes qui essayent de réfléchir à ça. À cette phrase de Gandhi. Qui était Gandhi, bordel? Qui a lu Gandhi? Déjà rien que pour commencer. Lorsqu'on veut commencer par la démocratie, on lit Gandhi. On lit Nelson Mandela lorsqu'il est dans sa prison. On lit Martin Luther King lorsqu'il était en train de défendre les Noirs en États-Unis, alors que c'était pas simple pour sa gueule. Avec en même temps Malcolm X. Qui en même temps s'est fait niquer la gueule, excusez-moi du terme. Donc j'aimerais bien que voilà, ces gens-là se prennent la peine de lire, voilà, ces gens-là, justement, comprenez à mort la démocratie. Alors si on n'a pas une démocratie, parlons-en, quoi. Allez dans les bibliothèques, allez vous informer, mais ce sont les vrais gens. Pas sur les gros cons qui vous proposent la démocratie aujourd'hui et qui en font de la merde. Si on doit parler après des génocides, si on doit en parler, ben on en parle aujourd'hui. Je travaille dans une association caritative qui s'appelle la Chorba. Mardi, on a servi plus de 700 repas par rapport à des gens qui étaient à Stalingrad. Les réfugiés, ça aussi, il faut en parler. Ça fait partie de la démocratie. Des gens à qui on a dit de venir. Des gens à qui on a dit de prendre le bateau avec des risques. Et il y en a à la Méditerranée, comme il y a un journal qui a eu le culot de mettre la Méditerranée. Elle est enfouie de corps aujourd'hui. Des gens qui quittent leur pays par rapport à des guerres, financés par ce pays. Aujourd'hui, moi, Hier, j'étais encore dans cette association en train de travailler. C'était mon jour de travail. Qu'est-ce que j'ai vu? À 18h du soir, il n'y avait personne. Il n'y avait personne, pourquoi? Parce que ces personnes-là, on les a virées vendredi matin à 6h du matin. En les emmenant dans les bus, en les foutant dans les quatre coins de la France. En les foutant dans une bourgade de merde, en attendant qu'ils reviennent, et ça recommence. Aujourd'hui, je le redis encore une fois, et d'ailleurs, je le dis au micro, comme je l'ai fait la dernière fois, j'ai dit que je partais de Nuit Debout. Aujourd'hui, je m'y remets. Je m'y remets avec une big conviction, avec des tracts, et je vais aller tracter dans le métro, dans la rue, je vais aller vers les gens. On va aller tous devant les gens, on va aller leur parler, dans les cités, n'importe où. On va aller leur dire, c'est quoi aujourd'hui Nuit Debout? Le nouveau Nuit Debout, la renaissance de Nuit Debout, la rentrée. Et de dire à ces gens-là, faites gaffe, allez voter quand même, ne faites pas de vote blanc, allez voter quand même. Et essayez de voir lequel vous allez pouvoir mettre. Si vous ne voyez aucun, j'ai presque envie de vous dire, retournez-vous vers Dieu d'ailleurs. Ça serait presque lui, on va dire, qui pourrait nous gouverner. Voilà, c'est pas une question de chrétienté ou quoi que ce soit, mais c'est la seule solution qu'il y aura. Donc maintenant, non mais c'est ironique ce que je dis. Mais voilà, je vais pas te dire à tout le monde à genoux, non. Tout simplement, si on doit parler des réelles questions au niveau de cette question au niveau de la dictature, ces gens-là sont des dictateurs. Personne ne le croit quand il passe à côté. Personne ne veut l'entendre. Il va falloir l'entendre dans 7 mois. Ils ont déjà commencé leur campagne. Marine Le Pen a commencé sa campagne. Aujourd'hui, Nuit Debout, on doit en parler, bordel. On n'est pas là uniquement, comme je disais tout à l'heure, pour mettre des pâquerettes, on va dire, à la place de la République. Non, on n'est pas là pour ça depuis 7 mois. On n'est pas là pour ça. On a envie de se battre pour notre société, pour devenir, comme disait Malanjo, des êtres humains. Il l'a dit au moins je ne sais pas combien de fois. Personne n'a écouté cette phrase-là. Et ça, il faut se le dire. 7 mois, ça passe vite. Ça passe très vite. Donc c'est tout ce que j'ai envie de vous dire avant de lâcher le micro. Mais tout simplement, Nuit Debout, c'est soit Nuit Debout se met en campagne et on va se mettre en campagne. Je vous garantis qu'on va se mettre en campagne. Merci beaucoup. Alors il y a juste quelqu'un. Il y a deux personnes avant toi. Et tu peux rester, Rico. T'as pas demandé ? Ok, je croyais. Alors oui, alors c'est très très difficile de suivre les évolutions de la discussion. C'est vrai que c'est un truc infernal. J'ai pas pris mon stylo, alors donc je sais pas à quoi je voulais répondre précédemment, mais voilà. Je vais essayer de recentrer la question sur le début de la question qui était pourquoi les dictatures? C'était ça, hein. Il y a un monsieur qui est intervenu en citant Nietzsche et qui parlait des esclaves et des maîtres. J'osais pas intervenir depuis un moment sur la question de la responsabilité des peuples. En quoi, dans une dictature, et je ne sais pas s'il y a des généralités à tirer de ça, en quoi, dans la dictature, les peuples sont responsables? J'écarte le micro, c'est juste pour rigoler. Effectivement, en quoi les peuples sont responsables? Est-ce qu'ils ont une marge pour décider? Et ça me faisait penser à une des seules institutions françaises qui utilise, légalement, hein, même de façon obligatoire, la démocratie directe. Ici, on a des fantasmes de démocratie directe sur la place. Et moi, je pratique la démocratie directe dans notre société républicaine, surtout dans un des domaines les plus petits bourgeois, parce que je suis un petit bourgeois, comme me dit mon fiston, et je suis dans une démocratie directe qui est la pire et qui démontre toutes les difficultés qu'a le peuple, même là, en l'occurrence, un peuple de petits bourgeois, à prendre le pouvoir et à utiliser les outils qui sont à sa disposition. Il s'agit, ça va faire frémir beaucoup de gens qui sont à la rue et qui n'ont pas eu la chance comme moi de devenir un gros con de propriétaire, c'est la copropriété. La copropriété en France, elle est gérée administrativement, légalement, inscrite dans les textes, par une démocratie directe. Cette démocratie directe, au lieu de permettre à des gens, sur leurs propres intérêts collectifs, de se mettre en œuvre, de se mettre au travail pour étudier les choses, pour travailler ensemble, pour ne pas laisser un compte de syndic qui est normalement payé par les gens pour faire ce qu'ils ont décidé et la volonté des gens qui sont réunis. Les trois quarts du temps, les gens profitent du syndic pour prendre des décisions à leur place. Les gens, quand il s'agit de prendre en charge leur avenir et leur bien, même leur bien de petits bourgeois, sont incapables de s'intéresser à ce qu'il est au fond de leurs intérêts collectifs. Et ils vont passer leur temps à se bouffer le nez, à se regarder de travers, à se jeter des choses à la figure, et ils vont oublier totalement. Ils sont incapables de faire ensemble dans une copropriété, seul endroit de la démocratie directe, quoi. Alors, je vais finir juste avec ce que disait Rico par rapport à Gandhi, qui disait que mieux vaut la guerre qu'être lâche. Je vais citer encore une parole de quelqu'un qu'on attribue à quelqu'un en qui je crois, et pourtant quelqu'un que je ne suis pas sûr qu'il ait réellement existé, tellement peut-être je le prends pour une expression d'une collectivité, c'est le petit Jésus, le Christ, dans les textes qui ont été rapportés de ce qu'il aurait dit, hein, qui ont été rapportés par des tas de Romains, de Grecs, de gens qui ont déformé certainement sa parole, et si cette parole peut-être était finalement l'expression simplement d'une collectivité à son époque, lui il disait « Je vomis les tièdes ». Dans les textes, on parle du Christ disant qu'il vomit les tièdes, donc en ça, il rejoint Gandhi, qui dit « Plutôt la guerre que la lâcheté ». En quoi, nous, peuple, nous sommes capables d'avoir ce courage de ne pas être des tièdes et de ne pas être des lâches. Alors, si c'est juste deux minutes pour rectifier un peu quelque chose, déjà, tu n'es pas un con de propriétaire, tu es un salaud de propriétaire. C'est important pour moi. Et ensuite, à propos de Gandhi, encore, il a dit exactement, enfin à peu près, si la non-violence n'existait pas et qu'il faille choisir entre la violence et la lâcheté, à ce moment-là, je choisirais la violence. Mais la non-violence existe. Et elle existe, il a pris aussi exemple d'un Américain qui s'appelait Henry David Thoreau, si vous voulez vous renseigner, qui a dit beaucoup de belles choses, hein, en particulier qui a acheté une hache et qui a été se construire une maison dans les bois et qui vivait et se nourrissait dans les bois, enfin une maison, une petite baraque, je veux dire. Il était propriétaire. Mais parce qu'il l'a fait lui-même, et à l'époque, les forêts étaient grandes. Hein. Et quand il y a un moment, les États-Unis, c'était à l'époque des États-Unis qui faisaient la guerre contre le Mexique, hein, et lui, il a dit, moi j'ai rien contre les Mexicains, je ne fais pas la guerre. Donc on l'a mis en prison. Après, il n'y est pas resté parce que quelqu'un a payé. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais enfin, c'est ça. Mais le principe c'est de la non-violence, c'est je ne fais pas quelque chose que moi je réprouve et que je ne ferai pas aux autres. Donc c'est ça qui est important, le message de aussi d'autres non-violents ou de... Un autre, je ne sais plus comment il s'appelle, qui disait... ça sert à rien de lutter contre la dictature. Il suffit de ne pas la soutenir. Elle va s'écrouler d'elle-même. Merci. Alors du coup, je rappelle à ceux qui... Ouais, alors il y avait juste un tour de parole et après c'est à toi. Ah ok, tu m'as pas fait signe. Il n'y a pas de souci. Bah, vas-y. Et du coup, je rappelle juste la question. On était en train de répondre à des gouvernements dictatoriaux dans le monde. Pourquoi? Et là, on était même en train de partir sur comment s'en débarrasser presque. Enfin, voilà. Très bien. Merci. Je voudrais juste répondre à ce monsieur qui a parlé de la dictature, voilà. C'est bon ? Très bien. Donc, en fait, c'est par rapport au dessin que vous avez fait entre les dominants et les dominés. C'est-à-dire, moi, je sais pas si c'est dû à une mauvaise interprétation de ma part, mais vous avez dit que les dominés, C'est ceux qui acceptent. Ouais, normalement, oui, logiquement, d'après la définition, c'est ceux qui acceptent de souffrir, d'être dominé, de toujours subir. Et je me suis fait une idée très rapidement par rapport à ce que vous avez dit. L'Afrique. Moi, j'ai pensé directement à l'Afrique. Vous avez dit que. Enfin, c'est un peu compliqué. C'est ma première fois de parler au micro devant autant de monde, donc merci. Donc voilà, je voulais dire que depuis très longtemps, l'Afrique a essayé de se débattre, de sortir de sa pauvreté, de sortir de toutes les difficultés qui l'encombraient. Et je pense notamment à l'Occident qui a beaucoup profité de l'Afrique, en tout cas de l'exploitation de l'Afrique. Quand vous me dites que l'Afrique, par exemple, s'est faite dominer, moi je peux vous donner plein d'exemples de leaders africains qui ont été assassinés par les puissances occidentales parce qu'ils voulaient leur développement, parce qu'ils voulaient se débarrasser de justement cette dictature européenne. Je peux vous donner l'exemple de Sylvanus Olympio, le président du Togo, ou Patrice Lumumba qui a aussi été assassiné par l'Occident. Et je peux vous donner plus Thomas Sankara. Donc dire qu'on reste dans la passivité, je pense que c'est un peu grotesque quand même. C'est pas quelque chose de correct. Et tout à l'heure, il y a un monsieur qui disait que la France n'avait rien fait de mal. Enfin, je l'avais vu, il n'a pas parlé au micro, mais je l'ai vu ruminer à côté de ce monsieur qui est juste là. Et il disait que la France n'y était pour rien dans le meurtre, dans la domination et dans... Voilà. Et je vais juste vous faire une petite histoire. En 1994, la guerre de Rwanda a été soutenue par les Belges, par la France, en tout cas par l'Occident. En 1994, il y a les Tutsis qui ont été assassinés par les Hutus. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des cadres Tutsis qui voulaient justement prendre leur destin en main. Et ça n'arrangeait pas la France et la Belgique à cause de leur... intérêt qu'ils avaient dans ces pays-là. Donc la France s'est retrouvée à soutenir des personnes, des génocidaires, des tortionnaires, des gens qui, en fait, ils étaient en train de soutenir des personnes qui étaient en pleine dérive génocidaire. Il y a eu combien de millions de morts ? Je ne vais pas vous l'apprendre, je pense que vous connaissez. Et aussi, je ne veux pas être très long, hein, c'est juste pour donner mon idée de l'histoire. Quand je vous parle de domination aussi, je pense à la zone CFA de l'Afrique de l'Ouest, où, comme le monsieur l'a rappelé tout à l'heure, le franc CFA est imprimé et produit à Clermont-Ferrand. C'est-à-dire que l'argent de la zone France CFA est faite en France ici. On n'a même pas une souveraineté monétaire. Le franc CFA. Le franc, voilà, justement, vous avez raison. Donc, je vais finir, s'il vous plaît. Donc, il faut aussi rappeler que 50% des réserves monétaires de la zone France CFA est reversé au trésor public français. 50%. Ça, c'est la première partie, comme il le dit. C'est-à-dire que déjà en 2005, il y a eu plus de 6400 milliards de francs CFA qui étaient dans les trésors publics français. Vous vous rendez compte ? Vous savez ce que c'est ? 6 000 milliards, pardon. C'est beaucoup d'argent. Et je pense que c'est par rapport au vrai chiffre, on a même minimisé. C'est juste un chiffre global qu'on a donné. Donc, je pense que tout cet argent qu'on fait parvenir à la France doit pouvoir servir à l'Afrique pour son propre développement. On a des capacités, on a plein de choses à montrer. Et je pense que il serait peut-être temps qu'on puisse prendre notre destin en main. Parce que on a été dominé depuis plusieurs années. Et je pense que maintenant, c'est le moment de se lever et de pouvoir aller de l'avant. Et c'est pas pour être méchant, mais je suis pas d'accord avec la façon dont vous avez pensé, parce qu'il y a tellement d'exemples qu'on peut donner pour montrer que la France a cherché à dominer, l'Occident a cherché à dominer. Et je peux même vous donner l'exemple de la Centrafrique, qui est un pays qui produit du diamant, et ils n'ont pas droit à creuser. Excusez-moi de mon français, je suis anglophone, donc c'est un peu compliqué aussi. Donc ils n'ont pas le droit de creuser à plus de 20 mètres du sol pour pouvoir exploiter les ressources qui sont à plus de 20 mètres du sol, c'est-à-dire leur diamant. Or que et le reste, c'est un contrat en fait qui a été passé avec la France. C'est-à-dire que ils n'ont pas le droit de creuser à plus de 20 mètres du sol pour pouvoir extraire le diamant qui est sous le sol. Or, quand c'est à partir de 20 mètres du sol qu'on commence à trouver ce qu'il faut exploiter. Donc, je crois qu'on s'est bien foutu de notre gueule, excusez-moi du terme, mais voilà. Merci. Merci beaucoup. Ouais, puisque tu m'as t'as fait référence à ce que je disais tout à l'heure, je voulais simplement ajouter que tout à l'heure, quand j'ai parlé de la différence entre les dominants et les dominateurs, ce n'est pas moi qui disais ça. Je disais, si on posait la question à Nietzsche, voilà ce que Nietzsche répondrait. Pas moi. Et moi, par exemple, je peux te dire que, d'abord, j'ai des origines africaines et que je ne suis pas d'accord avec Nietzsche, dans le sens où moi, je ne culpabilise pas le peuple africain ou tous les peuples dominés comme étant coupables ou comme étant des peuples passifs. Pas du tout. Je serais plutôt du côté du deuxième argument que j'avais avancé, si tu m'as écouté, dans le deuxième argument, qui consistait à dire que s'il y a des dominants, c'est parce qu'ils sont, en quelque sorte, qui ne sont pas conscients qui n'ont pas les outils pour se libérer, pour s'émanciper. Et donc, si on prenait l'exemple de l'Afrique, si aujourd'hui les enfants d'Afrique bénéficiaient d'une éducation, entre guillemets, de très haut niveau, en une génération, on aurait un peuple africain qui serait d'un niveau intellectuel super important. Et donc, à ce moment-là, il pourrait produire du savoir, produire des connaissances, produire de la technologie, de la culture, et s'émanciper. Et se libérer justement du joug des dictateurs, etc. Donc moi, en aucun cas, j'ai une approche inégalitaire du genre humain. Et tout à l'heure, on parlait du Christ, et moi je pense que le Christ, je ne suis pas chrétien, mais je pense que la révélation chrétienne a joué un rôle important dans la question de la dignité humaine. Parce qu'avant, dans la culture grecque et romaine, il y avait une approche de la dignité humaine qui était inégalitaire. C'est-à-dire qu'il y avait des différences de nature. Il y en avait qui étaient nés pour être esclaves, d'autres pour être maîtres. C'est pour ça que les Grecs légitimaient l'esclavage. Et ce qui a apporté le Christ, c'est l'égalité de la dignité humaine, où tous les humains sont égaux. Et moi, je pense que s'il y a des dictateurs, c'est parce que cette valeur-là de dignité humaine n'est pas appliquée. Et que si aujourd'hui, on affirmait dans les droits universels, d'ailleurs qui existent déjà, l'égalité réelle de la dignité humaine, eh ben, il y aurait probablement plus de dictatures. Et je pense aussi, il y a la question aussi de la dignité au-delà des humains, du vivant en général. Parce que l'homme dit, pourquoi il y a des dictatures? Mais comment se comporte l'homme vis-à-vis de la nature, lui-même? Donc il faudrait qu'on étende ça, au-delà de l'humain. Voilà. Je peux rester assis, c'est bon? Oui, donc... C'est juste pour reprendre quelque chose que vous venez de dire. Bon, ça se référera plutôt au propos du monsieur juste avant. C'est que vous parlez déjà d'éducation de l'Afrique, comme quoi, enfin voilà, il fallait créer une génération avec un grand savoir ou enfin une grande éducation, du moins. Encore une fois, ça a déjà été le cas, notamment déjà à l'époque coloniale. Disons qu'il y a quand même pas mal d'Africains, bon, pas énormément, mais qui ont été pris par les colons, notamment Lumumba, ou Niobe qui se sont formés du coup dans des écoles européennes et qui ont participé grandement à la politisation de la population, mais qui encore une fois ont été tués, massacrés et aussi en fait qui ont été fait passer pour des dictateurs et pour des personnes mal intentionnées. Et donc là, je voudrais aussi qu'on pense un petit peu à une notion foucadienne qui est le pouvoir du discours et le pouvoir de créer, c'est-à-dire le pouvoir de créer un dictateur, le pouvoir de créer une image, un savoir également, parce que vous parlez de savoir, mais des savoirs en Afrique, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y a beaucoup de connaissances sur beaucoup de choses. On crée énormément avec peu de moyens, justement, qui est une plus belle création, je pense, qu'une création bourgeoise ou élite qui a tous les instruments à côté pour faciliter sa création. Et donc il faut penser aussi au pouvoir qu'il y a dans la connaissance que l'on crée, que l'on sélectionne, que l'on choisit. Parce que si aujourd'hui dans le champ, si vous voulez, qu'il soit médiatique, politique, scientifique, on ne fait pas référence à des figures africaines, ce n'est pas parce qu'elles sont pas là, c'est parce qu'on n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie de les placer en haut et que le pouvoir qui est en face les occulte et les met sous silence. Clairement. Donc je pense qu'il faudrait aussi pouvoir réfléchir un peu à cette force et ce pouvoir qui est, et cette colonialité qui est un concept qui résume bien la situation actuelle. Est-ce qu'on parle de décolonisation, mais le monde a-t-il réellement été décolonisé? Est-ce que les Suds ont vraiment réussi à avoir une voix dans la politique internationale et mondiale? Je ne pense pas. Et je ne pense pas que ça réside d'un manque soit de culture, soit de savoir, soit de création de la part des pays du Sud, mais bien un manque de, enfin un pouvoir trop grand qui n'a pas envie de laisser la place à ces personnes. Et voilà, c'est tout ce que je... Oui, c'est... Je continue à me poser la question de la place des peuples et même la place des individus dans ces questions de responsabilité. Avant, je voudrais juste rajouter à la liste qu'on a donnée tout à l'heure de ces dictateurs assassinés, un mec qui m'a beaucoup plu, qui aurait peut-être changé la face des choses là aussi, s'il était là comme tous les autres, c'est le commandant Massoud, qui a été justement dessoudé quelques jours avant les tours jumelles. Donc bon, j'en reviens à la responsabilité des peuples, mais elle me renvoie aussi à une responsabilité individuelle. Alors j'ai un peu honte de rappeler ce que je disais tout à l'heure sur mon histoire de copropriété, quoi, mais j'évoquais en réalité à l'intérieur de ça surtout la question des responsabilités individuelles. C'est-à-dire qu'il y a la responsabilité des peuples, on parlait de lâcheté, mais il y a aussi la question de la responsabilité individuelle. Et quand j'entends notre camarade nous dire qu'il faudrait créer une élite africaine pour que l'Afrique change, encore une fois, effectivement, c'est un projet au niveau du peuple et au niveau collectif, mais... Alors je vais certainement dire une bêtise et j'espère qu'on va me contredire, mais j'ai un peu l'impression qu'à partir du moment où des élites se forment, individuellement, elles finissent par retourner sur leurs propres intérêts personnels. Et en l'occurrence, les élites africaines, est-ce qu'elles retournent vraiment en Afrique après? Ou est-ce que tout d'un coup, elles pensent à leur gueule, comme nous tous, on pense à notre gueule, et qu'elles s'intéressent à leurs intérêts personnels, quoi. Voilà, les questions du pognon, quoi. Tout ça pour dire que moi, ici, ce qui me paraît le plus important dans ces réflexions-là, c'est comment, j'allais dire individuellement, mais on se pose individuellement la question du collectif, quoi. Comment, enfin voilà, bon, bref. Ouais, alors juste, il y a un tour de parole, et en fait, il reste 5 minutes, donc bah, on va prendre, je pense, ces deux tours de parole ou un dernier, et puis voilà. Et ensuite, voilà, donc juste avant de passer à la prochaine intervention sur l'arnaque des impôts par Malanjo. Quand on parle de manière de se libérer des dictatures, moi j'aime m'appuyer sur des exemples concrets. Moi je prends l'exemple de la France. La France a vécu la grande révolution, révolution française, révolution des Lumières, où la raison a joué un rôle fondamental. Et donc du coup, par l'éducation, par l'enseignement laïque, par la généralisation, la démocratisation des savoirs, la France a pu s'émanciper, se libérer du joug des dictateurs et a pu devenir une lumière pour l'humanité, une des problèmes démocratie en Europe. Et c'est de la France que vient la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc en ce sens, pour moi, la France doit être un modèle. Mais attention, ce qu'est la France aujourd'hui, je ne dis pas que c'est le bel accomplissement. L'idéal n'a pas été réalisé. Attention. Mais au départ, je pense que la France peut être un exemple pour l'Afrique. Dans le sens où, et par rapport à ça, mon idée, c'est pas de créer une élite africaine. Mais pas du tout. C'est simplement de considérer que pour qu'un peuple puisse s'émanciper, pour qu'il puisse devenir autonome, produire ses propres valeurs culturelles, ses propres instruments industriels, sa propre économie, etc., etc., il a besoin d'avoir des connaissances, d'être, je dirais, au niveau du savoir actuel. Et s'il est maintenu dans des idéologies obscurantistes ou dans des s'il n'accède pas aux lumières du savoir dans le sens des lumières françaises, donc je pense que il peut pas s'émanciper parce que il y aura pas... après bon moi c'est une opinion que j'ai, mais je prétends pas avoir le monopole de la vérité, mais en tout cas moi par exemple quand je vais en Algérie je vois que on n'a pas de technologie du solaire. Il y a plein de technologies qui existent que les Algériens ne connaissent pas. Et donc, du coup, ils polluent, ils font n'importe quoi. Alors que s'ils avaient la technologie de l'économie verte, ils pourraient faire du solaire, ils pourraient faire de l'irrigation, faire entrer l'eau dans le Sahara. Je parle d'aujourd'hui. Moi, je parle d'aujourd'hui et je parle surtout de demain. Et comment s'en sortir? Comment transformer cette Afrique en jardin? Comment ramener de l'eau? Comment ramener de l'économie verte? Comment ramener du bien-vivre? Et comment faire en sorte que les Africains soient heureux de vivre en Afrique et soient fiers d'eux-mêmes? C'est pas du tout l'idée de constituer une élite. Enfin, moi, c'est pas du tout ma philosophie. Merci. Alors, ouais, je sais. Excusez-moi, je prends la parole, mais s'il y a quelqu'un qui a plus important à dire, ils le prennent. C'est dans 5 minutes, on va faire un... Je vais animer... dans 5 minutes, je vais animer un débat. Et c'est important que tout le monde ensemble participe. On va parler de l'arnaque des impôts. Mais pour parler de l'arnaque des impôts, il faut que tout le monde participe pour comprendre comment c'est une arnaque. Et ce serait bien que tout le monde participe à ce débat dans 5 minutes. Par contre, très sincèrement, j'ai pas envie de finir parce que justement, je vais enchaîner sur autre chose. Donc, je voudrais que quelqu'un parle après moi. Mais ce que tu viens de dire démontre vraiment le problème qu'on a en Afrique. Il me semble que tu es d'origine africaine. Tu as étudié en France. Dans l'école française, t'es diplômé. Mais je te jure, si t'avais pas étudié en France et que t'aurais pas été diplômé, tu parlerais pas comme tu parles. Parce que les élites que tu veux construire sont des gens qui finissent par parler comme toi. Moi, je vais pas parler de Dieudonné ici parce que j'ai pas de problème, mais il y a un sketch qui parle du dictateur africain. Et il y a une journaliste qui interview un dictateur africain, un dictateur camerounais. Et pendant qu'elle lui parle, il commence à lui parler de l'étude qu'il a fait à Saint-Cyr l'école, de tout ce qu'il a appris. Et il est fier de tout ce qu'il a appris. Et il se met à pleurer parce qu'il se rappelle des petites Françaises qu'il a connues en France, à Saint-Cyr l'école. Et le sketch, au milieu du sketch, il dit une chose. Moi, je suis salarié de mon patron. Elle lui dit, mais c'est qui ton patron? C'est qui ton patron? Toi, tu es un dictateur. Il dit, non, moi, je suis salarié. Il dit, mais de qui tu es salarié? Il dit, ben, je suis salarié de l'État français, à l'Élysée. Il me donne des ordres, il me paye. Moi, j'obéis. En fait, donc, on est dans une problématique. Moi, j'ai dit, j'ai été viré de l'école en 5e. Avant, j'en pleurais. Maintenant, j'en suis heureux. Parce que ça m'a permis de ne pas avoir un cerveau bousillé. Parce que lorsque tu parles d'avions solaires en Afrique, sache que dans des pays africains où ils ont des avions solaires, et les oligarchies occidentales leur ont interdit d'utiliser des avions solaires qu'ils avaient fabriqués eux-mêmes parce que ça ne rapportait pas assez d'argent aux produits du pétrole. Si tu arroses tes plantes avec des avions solaires, tu ne payes pas de pétrole. Et tu es libre. Et les avions solaires existent en Afrique depuis des années. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a droit à Internet aujourd'hui grâce à un professeur nigérien. C'est un Nigérien qui a fait que tout le monde, on a tous internet à la maison. Un Nigérien, il est africain. C'est un ingénieur. Il habite au Nigeria, il habite pas aux États-Unis. Toi, t'es algérien. Il y a plein d'ingénieurs algériens. Il y en a en masse. On sait pas quoi en faire. Donc, à un moment donné, on parle de dictature. C'est quoi une dictature? Une dictature, ce sont des démocraties qui imposent à d'autres personnes qui n'ont pas le droit d'être indépendants. Donc, la dictature vient des pays démocratiques qui imposent aux pays non aux pays dits, non gérés par eux-mêmes, qui n'ont pas le droit d'œuvrer par eux-mêmes et de penser par eux-mêmes. Sinon, tu vas en Algérie, tu as plein d'intelligents, tu as plein de trucs de ouf. Tu vas au Mali, tu vas au Nigeria, tu as plein de trucs de ouf. Donc, ils n'ont pas besoin d'être... N'importe quel fermier sait comment construire une roue. Il n'a pas besoin d'aller à l'école faire Bac plus 12. Donc, la pensée qu'on a que les Africains doivent avoir des diplômes à la con pour développer leur pays, elle est vraiment européenne, centrée européenne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que tu dis est bien parce que ça va dans un bon essence, mais notre jeune tout à l'heure, il n'a pas compris. Parce que ce que tu dis, il ne le comprend pas. Il dit, mais moi, tu nous prends pour des cons. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où elle est la problématique de ta pensée. Merci. Du coup, c'est les deux derniers tours de parole et on passera à l'intervention suivante. Oui, moi aussi, j'étais pas du tout d'accord avec ce qui a été dit donc avant. Enfin, pas avant, mais juste avant. Et parce que le peuple qui s'émancipe avec les Lumières, mais alors, non. Je veux dire, puis le peuple qui s'émancipe avec l'éducation, non plus, parce que l'éducation est au service d'une idéologie. Et on le voit très bien dans l'école, en France notamment actuellement, où l'éducation sert à produire des bons consommateurs et travailleurs, et pas du tout des gens qui vont s'émanciper. Donc, et je suis aussi d'accord sur ce qui a été dit par rapport à tout ce qu'a pu être mis en place en Afrique par les personnes, par le peuple eux-mêmes, sans forcément faire des études type occidentales, mais qu'on leur a retiré parce qu'il n'y avait pas un bénéfice pour les pays occidentaux. Et la dernière chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est l'éducation pour être heureux. Bah, dans ces cas-là, en France, ça faudrait vraiment revoir l'éducation, parce qu'on n'est pas forcément non plus ni émancipé, ni très heureux. Donc voilà, pour moi, l'éducation, c'est vraiment... Enfin, l'éducation ne devrait peut-être pas l'être, mais elle est toujours plus ou moins au service d'une idéologie. Et on vit en Europe, en France, aux États-Unis, sous une idéologie, très clairement. Et donc l'éducation nous fait rentrer dans cette idéologie. C'est un peu la même chose que je voulais dire, dans le sens où le problème est culturel. C'est-à-dire que les premiers à être colonisés en France, justement à l'époque des Lumières, c'était les provinces françaises, où il y avait beaucoup de cultures différentes, de langues différentes et des manières de faire différentes, parce qu'elles étaient toutes plus ou moins autonomes. Et c'est la même chose en Afrique, il y avait beaucoup de cultures différentes dans chaque pays avant qu'on fasse des frontières. Il y avait des empires en Afrique qui avaient des usines mais à leur manière, mais sur différentes des nôtres. Et c'est justement à travers la violence de l'éducation et de l'école en particulier. Mais et surtout, c'est un truc qu'on parle par exemple de beaucoup de biodiversité. C'est-à-dire que chaque jour, il y a des dizaines ou des centaines d'espèces qui meurent. Mais c'est pareil avec les langues. On arrive à ce qu'on appelle la langue de bois, c'est-à-dire une langue soi-disant universelle, où on peut que se soumettre, on n'a pas le choix. On peut même pas penser se rebeller, même pas penser différemment, et même pas dire des choses différentes. Et c'est, à mon avis, c'est par là qu'il faut commencer. Commencer à dire les choses autrement, à développer le langage, chacun son propre langage, et après se démerder pour se comprendre. Merci beaucoup. Je pense que c'est bien pour conclure sur la question. Du coup, on a bien tenu longtemps sur cette question des gouvernements dictatoriaux. C'était très intéressant. N'hésitez pas à venir sous la bâche si ça vous engage à rien. Hein. Voilà, la bâche ne tue pas. Ça vous engage à peine à écouter et encore. Juste un minimum de bienveillance envers tous les interlocuteurs, comme d'habitude. Et du coup, on va passer à l'intervention suivante. Je suis désolé, on avait fini le tour de parole sur cette question. Ah non, mais en fait, c'est parce qu'ils avaient demandé la parole déjà avant. En fait, c'est pour ça qu'ils sont... Je sais que vous avez demandé la parole avant qu'ils interviennent, mais ils avaient demandé la parole déjà avant. Oui. Bon, c'est pourquoi ? C'était sur le gouvernement dictatorial ? Est-ce que c'était sur le sujet ? Ah oui, mais alors nous, on parlait pas de plein de trucs, on parlait d'un sujet. Et... Non, mais je contrôle pas la parole, monsieur. Je vous dis qu'on parlait d'un sujet. Vous... De quoi voulez-vous parler ? Bon, allez-y, je vous laisse deux minutes. Moi, je suis sur des positions radicales. Parce que tout ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, ça me fait un peu sourire. Nous avons été colonisés. Moi, le pays de mon père, il a été colonisé pendant 132 ans. Donc nous, la colonie, on l'occupe pendant 132 ans. Ils nous ont des intérêts. Ils ne sont même pas excusés. Est-ce qu'il y a eu des excuses sur une colonisation quelconque ? Aucune. Sur ce qu'on nous apprend à l'école. Il faut qu'on l'apprenne à l'école. Par contre, il faut qu'on l'intègre pour s'en servir. Il faut qu'on l'intègre. Il ne faut pas dénigrer les choses. On apprend des choses de part et d'autre. Il faut qu'on l'intègre. Merde. Là, l'énergie solaire, effectivement, par rapport à l'Algérie, l'énergie solaire, ils l'ont laissé tomber. Parce que le pétrole, c'était vachement plus important. Mais l'énergie solaire, ils l'ont développé au Maroc. Ils l'ont développé au Mali et ailleurs. Des ingénieurs, il y en a partout. Le directeur de la NASA est un Algérien qui a été formé en Algérie au départ. C'est un Algérien, je suis désolé, quoi. On va pas rentrer dans ces discussions de merde. On rentre pas dans ces discussions de merde. Moi, j'ai parti de ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Il y avait les Américains, les Canadiens, les Français, les Allemands, les Anglais qui vivent en Afrique, dans les universités, pour choper les cerveaux. J'étais parti de la fuite des cerveaux. Moi, j'étais recruté par les Canadiens en 72. D'accord ? Non, attends. Moi, j'étais recruté par les Canadiens en 72. Je devais rentrer à l'école polytechnique de Montréal en 72. Ok ? Quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, ce n'est pas possible. Par contre, mes copains sont tous partis, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, avec des bourses d'État et compagnie. Bon, je vais m'arrêter là parce que je suis trop en colère. Pas de soucis, merci. Alors, du coup, comme quelqu'un d'autre m'a redemandé la parole, donc je ne vais pas dire, mais je dirai plus oui après. Hein. Voilà. Oui, bonjour. J'aurais tendance à penser, enfin, je suis venu un petit peu après, mais concrètement parlant, c'est vrai qu'en général, les petits génies nés en Afrique vont très rapidement en fait être repérés et vont partir étudier à l'étranger. D'accord ? Pourquoi à l'étranger ? Parce qu'en général, il y a les meilleurs profs à l'étranger. Moi, j'aurais tendance à dire, si vous voulez, dans un regard pas forcément apaisé, parce que c'est chacun son histoire, mais il serait bon, en fait, que des profs excellents occidentaux viennent enseigner en Afrique et vice-versa. Je veux dire, si en Afrique, vous avez de grandes universités... Non, mais attendez. Si vous avez de grandes universités, alors vous permettrez justement... Africain, c'est large, hein, Afrique du Nord, Afrique du Nord, bon bref... Alors dans ce cas-là, vous aurez, si vous voulez, la formation d'une élite intellectuelle et il n'y a pas de honte ni de haine contre ce genre de personnes. Voilà. Et je clôturerai mon point sur, stratégiquement parlant, économiquement parlant, s'il est possible de poser une monnaie très rapidement avec le Bitcoin. Voilà. À mon avis, c'est l'avenir. Bref. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bon là on va arrêter vraiment les interventions. Hein. Le débat apparemment intéresse vraiment. On verra si on remet la question dans la boîte du coup. Et on va passer à Manon Joe pour